rencontrer l'équipe et découvrir comment elle peut vous soutenir et vous accompagner dans vos projets musicaux. L'Ampli, c'est le lieu incontournable dédié à la relève musicale de Québec. Le 19 septembre, c'est à l'Ampli que ça se passe. Ici Pierre Blais. Mercredi 19 septembre, l'équipe de Situation Critique et ses invités seront en direct de Place Diouville pour célébrer la tenue du Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est un rendez-vous dès 18h30. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Pour deux heures de bon rock progressif, on a quelques nouveautés, plusieurs nouveautés quand même. Et également d'autres disques que j'ai sortis de ma collection, on a des années 2000 et plus. Tout au long de l'émission... J'espère que vous apprécierez notre choix musical. Comme nouveauté, j'ai une nouvelle pour vous, une primeur, en fait. Un des groupes qui sera à Terra Incognita. La prochaine édition de Terra Incognita, la 15e édition en mai prochain, donc en mai 2019. Mais Michel avait annoncé Fido. D'ailleurs, on va débuter ce soir avec Fido parce que c'est pas mal l'album de l'heure actuellement. Également, Michel avait annoncé Basta, le groupe italien. Il va y avoir également Björn Riss. Et oui, Björn Riss, le guitariste de Hairbag, et qu'on a connu avec en solo avec Lullabies and a Car Crash. Et je pense qu'il est très apprécié dans ses albums. Alors, on a la chance de voir l'an prochain Björn Riss, en plus de Fido et Basta. Et Michel, il dit qu'il y a des surprises. Là, comme c'est la 15e édition, on va avoir d'autres surprises qui s'en viennent. Alors, on va débuter avec Fido, comme je le disais, qui vient de faire paraître Infernal. C'est un album double. Et bon, on vous en a présenté, là, Jean-François, il y a deux semaines, avec la superbe pièce From Hydrogen to Love. Michel en a fait jouer deux extraits également. Moi, j'en aurai aussi deux extraits dans le premier bloc. Un extrait du premier CD, la deuxième pièce. The Error Lives On. Et on a également c'est vraiment fait comme un vinyle là. D'ailleurs, la pochette est tout petite en CD là. J'imagine que si on avait le vinyle là, on voit pas comme il faut les titres. Mais on va débuter le bloc avec C99, la pièce C99 de Fido sur Infernal. Et on aura également Argos de l'Allemagne et leur nouvel album Unidentified Dying Objects. Moi, j'aime beaucoup Argos. La pièce The Hunter's Last Stand, c'est celle-là qui a la collaboration de Andy Tillison de The Tangent. Vous savez que The Tangent, c'est eux qui nous servent de thème depuis les débuts en 2004 de Terra Incognita. C'était un extrait de leur premier album, Andy Tillison, qui joue donc avec Argos sur The Hunter's Last Stand. Et on aura également Alco Frisbass, c'est de la France, ça c'est instrumental. Et c'est leur second album là, qui est paru, j'en avais fait jouer un premier extrait, paru un peu plus tôt cette année, Le Batteleur. Et sur ça, il y a Fabrice Chouette, Patrick Dufour et Frédéric Chaput. Et qui font une musique qui est avec le style très Canterbury, surtout au niveau des claviers, là, qui fait un peu penser à Hatfield and the North et Caravan. Vous allez voir. Donc, Fido, Argos, Alco, Frisbass et Fido sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. is the hunter in the dark. The time is ripe to leave his mark. Come ride with me, he said and turned. A man is killed, a house is burned. The hunter steps light with his weapons in hand. When he fights the dark beast, he shall make his last stand. His duty's to guard and to save. He'll take his secret to the grave. We'll be right back.

CKRL 89.1. Mercredi le 19 septembre, l'Amplique Québec invite tous les musiciens, musiciennes et artisans de la musique de Québec au lancement de leur nouvelle saison lors d'un 5 à 8 festif dans une ambiance conviviale animée par la musique du DJ de Québec MIM. Venez rencontrer l'équipe et découvrir comment elle peut vous soutenir et vous accompagner dans vos projets musicaux. L'Ampli, c'est le lieu incontournable dédié à la relève musicale de Québec. Le 19 septembre, c'est à l'Ampli que ça se passe. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Et de retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Fido, un court extrait de Infernal, son nouvel album. Et leur nouvel album, devrait-on dire, parce qu'ils sont tous un groupe, là, ils sont plusieurs musiciens. Et ben ceux qu'ils avaient manqués il y a plusieurs années, en tout cas ceux qu'ils ont vus, puis vont vous le dire, là, c'est quelque chose à voir, Fido en spectacle. Puis on vous l'annonçait il n'y a pas longtemps, là, qu'ils vont être au festival Terra Incognita. Et également Bjorn Riss qui va être au festival et Basta. Et d'autres groupes seront annoncés. Là. Allez sur notre page Facebook. Également Terra Incognita.Québec pour avoir des détails. Et également les contenus et accès au podcast de nos émissions. Juste avant Fido, il y avait eu Alco Frisbass. Ça, c'était la partie instrumentale. C'était la pièce Les cartes vivantes de leur nouvel album Le Battleur. On avait eu Argos tiré de Unidentified Dying Objects, la pièce The Hunter's Last Stand, et on avait débuté avec Fido et la pièce The Error We Lives On. Alors, de Infernal. On va poursuivre maintenant avec des découvertes qu'on a. Ah, ben, je vous parlais un peu de spectacles qui s'en viennent à part ça, mais il y a quand même IQ qui s'en vient bientôt. C'est le 3 octobre à la salle Jean-Paul Tardy. Le 10 octobre, il y a également The Straubs au Palais Montcalm pour la tournée d'adieu des Straubs. Le Deep Project de Québec, qu'on peut voir le 13 octobre avec Inner Odyssey. Ça, c'est à la Margelle du Cégep de Sainte-Foy. C'est le lancement de l'album de Deep Project, Find Your Son. Et il y a une vidéo qui vient de sortir. Là. Allez faire un tour sur, en tout cas, les médias sociaux. Vous allez pouvoir accéder à ça. Et également, le 23 novembre, il y a Gong avec Stevie Lage, des nouveaux musiciens. Et il y a Stevie Lage qui a déjà fait partie de la formation, évidemment, comme guitariste, qui est avec eux le 23 novembre à Jean-Paul Tardy. Et également, vous avez peut-être entendu que Unreal City ont dû annuler les spectacles qu'ils avaient prévus là, en octobre aux États-Unis et à Québec parce qu'il y a eu une musicienne qui a eu un gros accident de voiture. En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave, mais assez pour annuler le spectacle. Donc, il n'y aura pas de spectacle et avec Carsius non plus, malheureusement. On y va en musique avec des découvertes que j'ai faites puisque j'ai reçu cette semaine le nouveau numéro du magazine Progressiste, le numéro magazine belge de rock progressif, le numéro 93. Et on a une pochette qui débute avec Seven Rice. Seven Rice qui est un groupe français. On écoutera une pièce tantôt justement qui viennent de faire paraître leur nouvel album, L'Albatros. Et ça sera probablement leur dernier album parce qu'ils annoncent qu'ils se séparent dans l'entrevue avec ce groupe. Il y a des entrevues aussi avec Ange, dont on aura un extrait. Ange qui a fait paraître un nouveau disque, le disque L'Heureux. Et Ange qui roule quand même depuis 1972. C'est un des groupes progressifs français les plus connus et de par leur longévité. C'est leur 24e album là. Et c'est toujours Christian Descamps qui est là, mais pas les autres musiciens puisqu'il y en a plusieurs qui ont évidemment la formation après toutes ces années a bien changé, mais il y a une pièce qui est offerte avec la compilation là, qui vient avec le progressiste, puis c'est la pièce Jour de chance pour un poète en mal de rime. Alors, vous allez voir, puis c'est pas mal bon, franchement. Là, c'est rock, rock un peu, mais il y a pas mal d'éléments de prog sur ça. Donc, on va suivre avec Seven Rise. Seven Rise, c'est leur quatrième album, en fait. L'Albatros, mais je pense que c'est leur meilleur. Là. On peut penser un peu là, à Lorena McKennitt là, par moment pour le son de la voix de la chanteuse. Puis c'est, les arrangements sont très, c'est très orchestré. Il y a des ambiances de musique là, internationale, évidemment, dans ça. Alors, c'est pas mal intéressant. On va suivre ça avec une formation qui, pour leur premier album en 1988, c'était Three, 3. Et c'était l'album To the Power of Three, où il y avait Keith Emerson, Carl Palmer, puis Robert Berry. C'est en fait réalisé par Robert Berry. Et mais 30 ans plus tard, il arrive avec, si c'est pas plus, il arrive avec The Rules Have Changed. Puis là, ça s'appelle 3.2, comme si le nom du groupe était 3.2. Et The Rules Have Changed. Et il y a, ben, c'est, en fait, c'est Robert Berry qui est là. Puis il y a des compositions de Keith Emerson dans ça. Et on aura une pièce de cet album-là, la pièce Your Mark on the World. Donc, c'était comme dans les derniers moments où Keith Emerson faisait des compositions. Et ça se retrouve sur cet album-là qui vient juste de paraître, là, The Rules Have Changed de 3 ou 3.2. Alors, on y va avec Ange, Seven Rice et 3.2. magique d'un Ulysse de comptoir, d'une plume évasive, j'assouvis mon grimoire aux faveurs floues des flaveurs fluides. Je m'amuse en silence à humer l'humain, à humer l'humus, jusqu'à jouir, jouir encore. Thank you. Fisting hammers, we drive through more high. We'd get up, we'd make to stop. It will not break apart. Yeah. December, the world that I once pushed away, everything I came here for, the highest crest, the tracks I lay. Treasure's grave was forever told. It's still raining, it's still raining. Heavy rains every day like fire. The land is green, we fight one another. Words will free. Like a banner to gold, it's still raining, it's still raining. Search the ashes beneath the fire. Lessons learned, we kill one another. The treasure's grave was forever told. It's still raining, it's still raining. Ou 3.2, en fait, c'est 3.2, le projet sur lequel Keith Emerson a travaillé jusqu'à ses derniers... en fait, les derniers trucs qu'il avait réalisés avec Robert Berry. Puis c'est Robert Berry qui a fait paraître donc cet album « The Rules Have Changed ». Et 30 ans plus tard, là, après « To the Power of Three », où il y avait Keith Emerson, Carl Palmer et Robert Berry en 1988. Et bon, juste avant, il y avait un duo de deux groupes français. Ça avait débuté avec Ange, tiré de Heureux, leur nouvel album, paru en 2018. Et la pièce « Jour de chance pour un poète en mal de rime ». Et ça, c'est offert sur la compilation qui est avec le magazine Progressiste. Il y a également une autre compilation CD qui est le « New Species 33 ». Et il y a cette pièce, il y a Gaspacho. On a plusieurs découvertes sur ça, là, des groupes. Mais il y a Gleb Kolyadin qu'on connaît. Mais sinon, il y a des découvertes à faire avec les Dukes of the Orient. Également Holy Mushroom. Le Moon Particle. Ça, c'est des musiciens qui ont joué avec Steven Wilson en studio ou en spectacle. Elle est pas mal bonne, cette pièce-là. C'est jazz, prog jazz, avec Theo Travis également. Ensuite, on découvre sur ça Glaston, ça aussi, c'est instrumental, Game of Tones. C'est à découvrir. Je vous en ferai certainement jouer dans une prochaine émission. Et sur le New Species, il y a plusieurs groupes aussi qu'on découvre. Là. Celle-là est plus à saveur prog metal, sauf Lazuli et Lee Abraham. Peut-être Circuline aussi, là, que Jean-François vous a présenté il y a deux semaines. Et bon, alors, je vous parlais de progressiste. On a. Je vous en parlerai plus tard, en fait, parce que je l'ai reçu seulement jeudi cette semaine. Alors, on va y aller sur une pause, puis au retour, on aura le groupe japonais Yuka et Chronoship, tiré de leur nouvel album Ship, que moi j'aime beaucoup. Et on s'en reparle un peu plus tard, après la pause. 89.1 Du 13 au 22 septembre, Assistez au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Un festival de surprises, de découvertes, d'émotions, de plaisirs, de projections, de jeux, de sourires, de stars, de premières, de vues, de rencontres, d'histoires, de parties, de couleurs, de beaux mondes, de fun noir, de grosses larmes, de cinéma. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. Pecha Kucha, c'est une série d'événements créatifs organisés dans plus de 1000 villes à travers le monde. Le 19 septembre, 12 conférenciers d'horizons variés défileront sur la scène de la Place Duville à l'occasion du FCVQ. Inspiré par le thème « Représentation », chacun prendra la parole pendant 6 minutes et 40 secondes, accompagné d'un support visuel. Le 19 septembre, 17h, venez faire le plein d'inspiration. Entrée libre. Informations, facebook.com/pechakuchaquebec. C'est Yuka et Chronoship du Japon. Hein, c'est la bande de Yuka Funakoshi. Et c'était la pièce The Airship of Jean Giraud. Très bon, moi j'aime beaucoup. C'est aérien, mais c'est j'ai joyeux quand même. Mais oui, j'adore. On y va ensuite avec un doublé italien. Avec The Ancient Veil qui nous interprète en spectacle la pièce Ancient Veil, et c'est de l'album Rings of Earthly Live, et on en parlait là, il y a une entrevue que Michel Bilodeau a fait dans le magazine dans son spécial Rock Progressivo Italiano volume 1 où ils sont interviewés, puis ces musiciens là qui sont du groupe Ancient Veil, c'est eux qui avaient parti Iris Pluvia et avec leur premier album Rings of Earthly Light. Donc cette superbe pièce en spectacle de Ancient Veil, et ce sera suivi de La Bocca de la Verita. C'est une des meilleures parutions rock progressif de 2016 dans le rock progressif, et on aura un extrait de la pièce La Suite dei Tre Pianeti de cet album. Mais tout d'abord on y va avec Ancient Veil. Thank you. We'll be right back.

Premier acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et les productions Le Temps qui s'arrête présente Justin. Mes chers amis, c'est une nouvelle page de notre story qui se tourne tonight. Une ère of change remplie de défis qui frappent à notre door. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for each et chacun de nous. Justin, un conte politico-fantastique de et avec Lucien Ratio. Mise en scène de Jocelyn Pelletier et musique de Millimétrique. Justin, du 11 au 22 septembre à Premier Acte. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal, d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des pensées élevées. Disponible maintenant partout. Édition Vénile Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. What? Hey, de retour pour Terra Incognita. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe finlandais Uminoita. C'est leur premier album éponyme. Et c'était la pièce Ita Tuira Skyline. Et un post-rock, oui, assez... oui, assez dans, ben, avec une bonne émotion. Juste avant, on avait la Bocca de la Verita. Et ça, c'est tiré de Avenat. C'est paru en 2016. Leur premier album, des jeunes Italiens là, qui... oui, c'est... ça performe pas mal. Et juste avant, on avait eu The Ancient Veil en spectacle. Et voilà. Et ben, ce qui suit, c'est un autre groupe italien, The 40 Days, tiré de l'album The Color of Change, paru en 2017. On aura également Moon Garden. Moon Garden, ça, c'est l'album de Songs from the Lighthouse, paru en 2008. C'est leur cinquième album, là, en fait. Il y a leur bientôt neuvième album qui va sortir. Je ne les ai pas suivis depuis cet album-là. C'est le groupe de Cristiano Roversi et David Cremoni. Et il y a un nouvel album, là, Align Myself to the Universe, qui va apparaître bientôt. The Moon Garden, on écoutera la pièce. C'est pas celle qu'on est. C'est une qu'on n'a pas écoutée depuis si longtemps, Dream Lord de Moon Garden. Et on aura également, pour faire une transition avec l'autoroute, c'est Jacques là, qui est en train de se préparer pour l'autoroute à minuit. Et puis, ben, pour faire la transition, il y a Michel qui vous avait fait jouer à un moment donné un extrait de cet album, Still Life. C'est leur seul, c'est le nom du groupe, Still Life. C'est leur seul album, paru en 1971. Et on aura un extrait de cette pièce, October Witches, qui fera la transition avec l'autoroute. On y va tout de suite en musique avec The 40 Days. We'll be right back.

from you tonight. Time are fading fast. Leaves on the trees are falling at last. Darkness falls, rooftops merge with the sky. Could I see something staring right in your eye? October witches are at work again. Say you don't believe it then. Look very closely in my eyes. Can you see me as I am? Can you see through my disguise? Look very closely in my eyes. Can you see me as I am? Can you see through my disguise? Time, the snow on the ground. Witches don't fly tonight. This is too cold, too cold off the ground. Darkness falls, rooftops merge with the sky. Lord, I see something staring right in your eye. I told the witches I would work again. Can you see me as I am? Can you see through my disguise? Look very closely in my eyes. Can you see me as I am? Can you see through my disguise? Look very closely in my eyes. Can you see me as I am? Can you see through my disguise? See me as I am. Can you see through my disguise? Sur la musique du groupe Still Life, un groupe britannique, et leur album, leur seul album en fait, la pièce October Witches, que se termine l'émission Terra Incognita pour cette semaine. Et juste avant, c'était le groupe italien Moon Garden et 40 Days, un autre groupe italien. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez les nôtres pour l'autoroute dans quelques instants avec Jacques Dulac. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Ici Pierre Blais. Mercredi 19 septembre, l'équipe de Situation Critique et ses invités seront en direct de Place Diouville pour célébrer la tenue du Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est un rendez-vous dès 18h30. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane. Une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL. Une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Afin de vous aider à faire votre choix à l'occasion des élections provinciales 2018, Montlimolou.com et CKRL vous invitent à assister à un échange-débat entre les candidats et candidates de la circonscription Jean-Lesage, le lundi 17 septembre 19h, au centre communautaire Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Sur place, vous aurez l'occasion d'entendre les candidats et candidates de la Coalition Avenir Québec, du NPD Québec, du Parti conservateur du Québec, du Parti libéral du Québec, du Parti québécois et de Québec solidaire s'exprimer sur les questions des transports et de l'aménagement urbain, de l'environnement, la santé et la qualité de vie, ainsi que la société et l'économie. Bienvenue à tous et à toutes. Vous ne pouvez être sur place le 17 septembre? Profitez d'une rediffusion intégrale du débat le jeudi 20 septembre 10h à CKRL 89.1.